kimingi na pasingo ya bolingo na inalapa kinda inapoki kolinga lisusute oye kotumola mposago ya bolingo na motema osa na yo na motema eko sila lisusute obila o Baningaro, mobaye bisanga. Soki a sola bolingwe sala kapasi na motema. Soki a sola bolingwe sua kalokola pilipili mo. Alene o. Na kosenga na yongo bila, boza la fidele. Yanga motema e boya sua na kobela estoma. Na komi koko no malade. Bona susi na yo, na komi koko no banzoto. Bona susi na yo, mobila o. Eloko ango bolingo eh? Esala kapasi na motema. Ah, ngai moko mawa, mapopo. Kinda ina poki kolinga lisusute Oye kotumola posago Ya motema nanga Osa na yona motema Eko sila lisusute o amba o Na ina tulibani ngago Ngoba yebisanga Soki ya sola bolingwe sala kampasi na motema Soki ya sola bolingwe sua kalokola pilipili ngo Kisome o Kis Na kosenga na yongo bila Ngoza la fidele Ya motema etonda sua Na kobela estoma Na komiko kono malade Kona susi na yo Na komi koko no banzoto Bona susi na yo Alende u Obila Go, go Oh, Gabe Armani La vie est heureuse quand on se sent aimé Mais il faut souffrir à cause du chagrin L'amour, oh, oh, tu m'as saisi Vraiment, oh, tu as blessé mon cœur On a passé à la vie est heureuse quand on se sent aimé Mais il faut souffrir à cause du chagrin L'amour, oh, oh, tu m'as saisi Vraiment, oh, tu as blessé mon cœur Amour N'a commis le n'a qu'on a condo N'a commis qu'on y a quoi ma chique ma bala oh Patia bolingo, mele mutie. La vie est heureuse quand on se sent aimé. Mais il faut souffrir à cause du chagrin. L'amour, oh, oh, tu m'as saisi. Vraiment, oh, tu as blessé mon cœur. Lobotare La vie est heureuse quand on se sent aimé Mais si il faut souffrir à cause du chagrin L'amour, oh, oh, tu m'as saisi Voilà Miriti.